jour se lèvera sur trois branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui sera vide.